Chapitre 14. Légende de l'oiseau de paradis. Il y a bien longtemps de cela, la terre n'avait encore été foulée que par les premiers hommes. Adam vivait, Abel aussi. Or, il arriva qu'un jour Caïn, furieux de l'accueil fait par le Seigneur à ses sacrifices, marchait au hasard sur la lisière d'une forêt. Mille sentiments mauvais germaient depuis quelque temps dans son cœur. La jalousie, la haine l'envahissaient. L'idée du meurtre commençait à l'obséder. Il l'avait repoussé d'abord avec énergie. Peu à peu, il lui avait opposé moins de résistance. Il avait fini par s'y abandonner. La mort de son frère était résolue. Seulement, il ne se rendait que très imparfaitement compte de ce que pouvait être la mort. Le monde en était à ses premières heures. La vie n'avait encore reçu aucune atteinte. Quels étaient les effets de la mort? Comment s'y prendre pour tuer? Caïn eût voulu assister à quelque agonie. On lui avait parlé de sommeil éternel, de corps sans mouvement, du froid de la chair et de sa décomposition. Tous ces effets, il les connaissait, à l'exception du dernier. Jamais, quand il les avait remarqués, il n'avait entraîné la mort. Le sommeil avait toujours été passager. Son corps, quelque glacé qu'il eût été, avait toujours fini par se réchauffer. Que fallait-il donc faire pour que l'être ne se réveillât pas, pour que le corps restât froid et immobile, pour qu'il se décomposât? Caïn eût voulu s'exercer au meurtre, mais il ne savait qui frapper. Il ignorait même si tous les êtres pouvaient recevoir la mort. Ce doute l'obsédait. Aussi résolut-il d'y mettre fin. Il ne voulait pas manquer son frère. Il eût tremblé bien davantage devant Abel mutilé que devant Abel mort. S'étant assuré que personne ne pouvait le voir, il ramassa une pierre et s'approcha d'un arbre pour le tuer. Une vague terreur s'empara de lui. Qu'allait-il se passer? La mort, en mettant pour la première fois le pied sur la terre, ne se manifesterait-elle pas d'une façon terrible? Sa haine pour Abel prit le dessus. Il se trouva lâche, et, fermant les yeux, il frappa l'arbre. Au bout d'un instant, n'entendant aucun bruit, il les rouvrit. Son désappointement fut immense. Rien n'avait changé d'aspect autour de lui. Sa main était engourdie parce que, pensant à son frère, il avait frappé de toutes ses forces. Il s'approcha de l'arbre et écouta. Il en fit le tour, le toucha et, s'étant assuré qu'il n'était pas glacé, il se dit en soupirant « Les arbres ne peuvent pas mourir ». Il arracha une fleur et contempla attentivement la blessure qu'il avait faite. La fleur conserva son parfum. Elle embauma la main de son meurtrier. Alors la fureur s'empara de lui. Il voulait tuer et, ne le pouvant pas, il arracha toutes les herbes qui se trouvaient à sa portée, jusqu'à ce que, ayant saisi une ronce, il se fût meurtri. Cette douleur imprévue lui fit pousser un cri. Voyant son sang, il réfléchit. S'ouvrir la main cause une douleur. Essayons s'il en est de même sur toutes les autres parties de mon corps. Reprenant la ronce, il se déchira la poitrine. Cette fois, bien que la douleur fût plus vive, il ne cria pas. Ce sang qui coulait, cette douleur cuisante, le firent sourire. La découverte était bonne. Il entendit du bruit dans le feuillage. Craignant d'être surpris, il se blottit au plus épais du taillis. C'était une gazelle qui approchait. Certes, voilà un être plein de vie, se dit Caïn, en jetant sur la pauvre bête ce regard effrayant que le savant promène sur son sujet avant d'entreprendre quelque intéressante opération. Si je parviens à le priver de mouvement, je serai bien près d'avoir découvert la mort. Caïn sortit du fourré. La gazelle, surprise, fit un bond de côté. « Viens donc, sotte bête, » dit l'homme, et comme les bêtes étaient sottes, en effet, comme elles n'avaient pas encore appris à leurs dépens ce que vaut le roi de la création, la gazelle approcha et se mit à lécher la main que Caïn tendait pour la saisir. Il la prit et, la frappant avec rage, lui brisa l'échine, puis il piétina sur elle. L'animal se mit à bramer en se tordant sur le sable dans d'affreuses convulsions. Le mauvais homme contempla cette agonie pendant une heure entière sans que son cœur en fût ému. Il songeait à son frère et le voyait déjà, l'écume aux lèvres, se tordant de douleur en poussant de grands cris. Cependant, ce n'était pas encore la mort qu'il avait donnée. Il trouvait qu'elle se faisait bien prier pour se révéler à lui, et furieux, il frappa du talon la gazelle qui poussa une dernière plainte et mourut. Quand il vit que la bête ne bougeait plus, il eut un moment d'angoisse. Il craignait qu'elle ne se relevât. Si le vent agitait les feuilles auprès de la dépouille, Caïn frissonnait. Il avait si peur que ce fût un retour de la vie. Plusieurs fois, il remua le corps et attendit. Absorbé par cette contemplation, il ne vit pas venir la nuit. Ce n'est que lorsque le soleil eut disparu complètement qu'il se leva. Poussant un soupir de soulagement, il murmura « Je sais tuer ». Caïn enfouit le corps de la gazelle. Cela fait, il partit. Lorsqu'il se trouva au retour en présence de son frère, une sueur glacée mouilla ses tempes. « Venez dans mes bras, » dit Abel. « Votre absence nous a grandement inquiétés. »« Vous rentrez plus tôt que d'ordinaire, mon fils, » dit Adam. « Qui vous a retenu loin de nous ? Aviez-vous égaré quelques brebis de vos troupeaux ?» Caïn baissa le front. Le regard clair de son père, la voix douce de son frère le troublèrent, et il s'éloigna sans répondre. Quand il fut certain qu'on ne pouvait plus le voir, il se mit à courir sans raison et sans but. Il erra une partie de la nuit. De temps en temps, il s'étendait sur la mousse pour y chercher le repos, mais aussitôt un mouvement fébrile s'emparait de lui, et il se remettait en chemin, marchant au hasard à pas précipités, comme s'il eût fui devant un ennemi. Cet ennemi était en lui, sa conscience lui donnait la chasse. Un moment vint cependant, où les forces lui manquèrent. Il tomba épuisé et demeura immobile, le front dans ses mains. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là, et soit qu'il fermât les yeux, soit qu'il les ouvrit, il voyait à ses pieds le corps sanglant et mutilé de la gazelle. Il n'eut pas la patience d'attendre le jour. Au plus petit de l'aube, il se mit à courir de toutes ses forces et arriva à la place où, la veille, il avait accompli sa sinistre expérience. Il écarta brusquement les branches et retint avec peine un cri de rage. La gazelle avait disparu. Caïn eut un moment de découragement. Une bête fauve avait sans doute emporté le corps de sa victime, mais il n'en avait aucune preuve, et il lui fallait recommencer ses recherches. Un oiseau vint en chantant se poser sur une haute branche. Cette chanson du passereau l'irrita comme une moquerie. ravi de trouver un être animé sur lequel il put faire tomber sa colère, il ramassa une pierre et la lui lança. Le caillou effleura la pauvre bête, l'oiseau effrayé s'envola à tire d'aile. Ce n'est qu'en atteignant les plus hautes régions qu'il se sentit un peu rassuré. Le Seigneur était de ce côté qui surveillait Caïn. Le passereau ne fut pas peu surpris de rencontrer au tournant d'un nuage le Créateur de l'univers. « Approche, lui dit le Père, pose-toi sur ma main. Je vous laisse à penser si le blessé se hâta d'obéir. » La blessure disparut sous un baiser. « Va, cher petit, et prends garde à l'homme maintenant que tu le connais. Je commence à croire qu'il me donnera bien des ennuis et que j'aurais mieux fait de le laisser dans le néant. » Depuis ce temps, fier des caresses qu'il a reçues, le passereau ne daigne plus quitter le ciel. Les hommes qui le voient planer sans cesse lui ont donné le nom d'oiseau de paradis.